peu aimé. Pourtant, il y avait tout appris et à ses côtés. Trop d'orgueil pour une fille en or, c'est toi, j'ai toujours vu ça. Une fille d'un soir.